Le troisième client est l'idole de Jade. Agar était une jeune fille astucieuse et lucide qui, ayant été éduquée à la dure école de Jacob Dix, connaissait la valeur de l'argent et l'art de faire de bonnes affaires. Pour le reste, elle manquait d'éducation, même si, pour parler vrai, elle avait une connaissance considérable des tableaux et de la porcelaine, des pierres précieuses et de l'argenterie. Mais un écolier en savait plus qu'elle en différentes matières. Elle ignorait la géographie, car cette science n'avait été enseignée ni dans le camp des Tziganes, ni chez le prêteur sur gage de Lambeth. Pour elle, la Chine c'était de la vaisselle et non un vaste empire d'Orient. Mais lorsque le troisième client va mettre en gage une idole de jade vers de mer, Agar apprit quelque chose sur le royaume céleste. L'homme était un marin, avec un visage grossier rougi par le vent et l'eau salée, et deux yeux bleus scintillants qui l'observaient avec sagacité sous des sourcils hirsutes. Il avait de fortes dents blanches qui brillaient sous une épaisse moustache, une chevelure blonde et bouclée, et une silhouette bien charpentée reposant sur des jambes robustes. Son pantalon grossier en serge bleu, son blouson noir avec des boutons en laiton et sa cravate ample et voyante évoquaient la vague de l'océan. Des anneaux d'or dans ses grandes oreilles rouges ajoutaient à son aspect étrange, et il oscilla dans la boutique comme quelqu'un pour qui la terre ferme est étrange, après le balancement et le tangage d'un navire. Ce marin jetait des regards inquiets par-dessus son épaule en entrant dans la boutique, et s'était finalement rangé dans l'une des guérites comme un navire qui s'apprête à jeter l'ancre. Là, il ôta sa casquette à bandes d'or et essuya son front rugueux avec un mouchoir rouge de soie chinoise. Agar, les mains légèrement appuyées sur le comptoir, attendit qu'il parle et fut plutôt surprise de le voir garder le silence et continuer à regarder par-dessus son épaule dans la direction de la porte. Finalement, elle perdit patience. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » demanda-t-elle brusquement. Le marin se pencha sur le comptoir et parla d'une voix rauque comme le mugissement des vagues. « Je m'appelle Nathaniel Prime, mademoiselle, » dit-il presque en chuchotant. « Nat, pour faire court. Et je suis troisième lieutenant à bord d'un bateau de thé qui fait la navette entre Hong Kong et le port de Londres et vice-versa. « Eh bien, monsieur Prime, » dit Agar en faisant une pause, « que voulez-vous ? » Nat sortit de sa poche un petit paquet enveloppé dans un mouchoir à carreaux bleus et le posa sur le comptoir. « J'ai ici un petit article que je vais vous confier pour que vous le gardiez en toute sécurité. »« Oh, » dit Agar, adaptant son discours à la situation, « vous voulez mettre quelque chose en gage ? Qu'est-ce que c'est ?»« C'est Quantai. Voilà ce que c'est, mademoiselle. » Agar recula. « Quel est ce charabia ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « C'est du chinois, » répondit promptement le marin. « Quantai est le dieu de la guerre en Chine, mademoiselle. » Ceci, il déroula le mouchoir et montra une idole particulièrement laide, et sa représentation. Je l'ai reçue de son temple dans la rue du Dragon d'eau à Canton. « Regardez-la, mademoiselle, mais attendez un peu. » Il tanga jusqu'à la porte, sortit sur le trottoir et regarda à droite et à gauche. Apparemment, il était satisfait de cette étude, car, avec un sifflement complaisant, il revint pour continuer la conversation. « J'ai pensé que ce maudit chinois pourrait me poursuivre, » dit-il, en glissant une chique de tabac dans sa grande bouche. « Il m'aurait planté un couteau dans le dos pour obtenir cette maudite chose. Vous plantez. Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Mais, » dit M. Prime, « ce chinois, il s'appelle Yu Ying, veut obtenir cette idole. Alors, comme je ne veux pas qu'un poignard explore mon intérieur, je pense qu'il est bon de vous le laisser pour qu'il soit bien gardé. » Agar posa l'idole et recula. « Vous voulez donc reporter le danger sur moi ? » dit-elle sèchement. « Non merci, reprenez cette vilaine chose. »« Il ne faut pas se tromper, mademoiselle, » dit Nat en repoussant l'objet à son tour. « Yu Ying ne sait pas ce que je suis en train de faire. Tout ce que je veux, c'est laisser Quantai dans ce magasin pendant une semaine. Il n'y a pas de danger à cela. » Agar reprit le dieu et le considéra. C'était une figurine d'une laide repoussante, sculptée dans du jade vert, avec des diamants en guise d'yeux, des jambes croisées et de grandes mains en forme d'éventail reposant sur un ventre proéminent. Ce n'était pas un objet à posséder, si ce n'est à titre de curiosité, mais il ne faisait aucun doute qu'il avait une signification sacrée dans les yeux en amant de Yu Ying, d'où son désir de l'obtenir, même au prix de la vie d'un homme. Agar hésita un instant à prendre Quantai en gage, mais comme il ne semblait pas y avoir de danger immédiat, et qu'il n'y en aurait peut-être pas, elle décida de faire l'affaire. Agar était tellement hébraïque qu'elle ne perdait jamais une occasion de marchander, D'ailleurs, selon certains, la communauté tzigane serait l'une des 10 tribus perdues d'Israël. « Je vous en donne 30 shillings, » dit-elle brusquement. « 30 bob, c'est bon, » acquiesça Nat promptement, « car tout ce que je veux, c'est laisser cette idole dans votre fouillis en toute sécurité. S'il s'agissait d'une mise en gage, je suppose que 30 livres seraient plus près de mon prix. Je pense que ce morceau de jade vaut 200 livres. » « Je ne connais pas la valeur marchande du jade, » rétorqua Agar avec impatience. « Tout ce que je peux faire pour vous, c'est de vous prêter de l'argent sur cette chose. C'est 30 shillings ou rien. » « Ne vous ai-je pas dit que c'était bon ?» dit M. Prime en déplaçant la chique de tabac de l'autre côté de sa bouche. « Donnez un coup de crayon pour dire que vous avez Quantaï en charge. »« Nom et adresse ?» demanda Agar en sortant reçu. « Nathaniel Prime, marin, 20, Old Close Street, Docks, » dit-il. « C'est un pub, vous savez ?»« Mademoiselle, le Nelson, je vous offre un verre. Si vous venez me rendre visite, je serai fier de le faire pour une belle fille comme vous. » « Voici le reçu et l'argent, monsieur Prime. Si c'est tout ce qui vous intéresse, mettez les voiles. »« Mettre les voiles, c'est le mot, » dit l'obéissant marin en glissant les 30 shillings dans sa poche. « Et si Yu Ying vient flairer par ici, vous n'avez qu'à lever l'ancre et à barrer pour me rejoindre en Nelson. Je suis le méchant homme de l'au-delà quand ce païen est dans les parages. » Monsieur Prime fit un signe de tête amical à Agar et sortit de la boutique. Elle l'entendit chanter une chanson quittant Carbis Crescent, et ce n'est que lorsque le grondement de sa voix lascive s'éteignit qu'elle pensa à l'idole aux yeux de diamant. Quantaï était une divinité très laide, mais curieuse et attirante à sa manière. Aussi, pour faire avancer les affaires et pour voir s'il y avait du vrai dans l'histoire de Nat au sujet de Yu Ying, la jeune fille plaça le dieu chinois dans la vitrine de la boutique. Il souriait avec autant de complaisance de ses yeux en amande au milieu des épaves poussiéreuses qu'autrefois il rayonnait sur ses adorateurs dans la rue du Dragon d'eau au fin fond de Canton. Or, s'il est un vice qui nuit au sexe féminin, c'est bien celui de la curiosité. Agar fut informée d'un fait surprenant concernant l'idole Quantaï et elle résolut aussitôt de vérifier si l'histoire de Nat était vraie. En mettant le dieu de jade dans la vitrine, elle donnait à Yu Ying une chance de le voir. Et puis, s'il voulait posséder le talisman, comme c'était apparemment le cas, elle s'attendait à ce qu'il entre dans la boutique et propose de l'acheter. Pas un instant, elle n'imagina qu'il la tuerait, ni même qu'il l'attenterait à sa vie. Elle pensait que cette affirmation était un embellissement de Prime pour agrémenter son étrange histoire. « Et je n'en crois pas un mot, » dit Agar dubitative. « Mais l'idole de jade est exposée dans la vitrine, et nous verrons bien ce qu'il en adviendra. » À sa grande surprise, sa folie lui causait des ennuis, et ce, rapidement. Le lendemain midi, elle prenait son simple dîner dans le salon de derrière, la porte menant à la boutique étant ouverte, afin qu'elle puisse entendre l'approche d'éventuels clients. La plupart des habitants du quartier étaient chez eux pour le repas de midi, et la petite place était tout à fait déserte. Soudain, Agar entendit le fracas du verre et resta paralysée pendant un moment, stupéfaite par ce bruit inhabituel. Lorsqu'elle reprit ses esprits et l'usage de ses membres, elle courut rapidement dans la boutique et vit l'avertissement de Nat Prime se vérifier à la lettre. La vitre centrale de la vitrine était brisée et l'idole de jade avait disparu. Avec une exclamation de surprise, Agar s'élança vers la porte et vit une silhouette aux cheveux bleus descendre à toute allure l'étroite rue qui menait à l'artère. « Le Chinois ! Le Chinois !» s'écria Agar en se lançant sa poursuite. « Au voleur ! Arrêtez-le ! Yu Ying ! Yu Ying !» Suivi par une foule qui s'était rassemblée comme par magie en réponse à ses cris, Agar fila aussi lestement qu'un cerf dans la ruelle. Mais elle ne faisait pas le poids face à l'agile Chinois. Lorsqu'elle atteignit la rue Bondée, Yu Ying, il ne pouvait s'agir que de lui, n'était plus visible. Elle fit appel aux passants, à un policier impassible, au chauffeur de taxi, mais en vain. Ils avaient certainement vu le voleur chinois sortir de l'impasse de Carbis Crescent, mais personne n'avait fait attention à lui. Agar courut par-ci, par-là, regarda, interrogea, considéra, mais en vain. Yu Ying avait disparu comme si la terre l'avait englouti et avec lui l'idole de jade de Nat Prime. Se reprochant sa crédulité et sa témérité d'avoir mis Quantaï en vitrine, Agar retourna, dépité, au Mont-de-Piété. Après avoir placé une barricade temporaire devant la vitre brisée et envoyé le vitrier la réparer, Agar s'assit pour réfléchir à ce qu'il convenait de faire concernant le vol. Assurément, Prime reviendrait à la fin de la semaine pour acheter le dieu de jade, et Agar ne savait pas quelle excuse avancer pour justifier sa perte. Il ne faisait aucun doute que Yu Ying avait suivi Nat à la boutique la veille et qu'il s'était rendu compte de la mise en gage. Il avait guetté l'occasion de voler le dieu, car il préférait manifestement cette façon illégitime à l'achat en bonne et due forme. Sans doute, Yu Ying, avec la finesse du caractère chinois, avait-il deviné que Agar ne pouvait ni ne voulait le vendre, d'où son effraction de la vitrine. Cependant, l'idole avait disparu et Agar jugea sage d'en informer immédiatement Nat Prime. Il se pourrait qu'il sache où se trouvait Yu Ying et qu'il puisse l'identifier comme étant le voleur. Estimant que c'était la meilleure solution à adopter dans ces circonstances, Agar écrivit à Prime à l'adresse qu'il lui avait donnée. Elle se prépare alors à le recevoir et à tirer le meilleur parti d'une mauvaise affaire. Dans sa lettre, elle ne mentionna pas le vol. Il fallut attendre 2 jours avant que Prime n'apparaisse en personne pour répondre à son message. Il expliqua son manque de réactivité par le fait qu'il était descendu à Brighton pour s'entretenir avec un ami. Puis il demanda à voir l'idole de jade pour s'assurer qu'elle était en sécurité. Lorsque Agar lui annonça sa perte et l'exploit de Yu Ying, il entra dans une rage effroyable. Il jura volubilement pendant 10 minutes et sa maîtrise du langage grossier était telle qu'il se répétait à peine lorsqu'il prononçait une série de jurons. Dans la suite de sa conversation, il serait peut-être bon d'omettre ce langage fleuri. « Je savais que le Chinois m'avait suivi, dit-il, une fois quelque peu calmé. Si vous vous rappelez, mademoiselle, je suis allé voir si la voie était libre. Il avait dû se faufiler au coin de la rue, je suppose. Maudit soit le céleste. Je regrette que l'idole ait disparu, monsieur Prime. Maintenant, mademoiselle, ne dites plus un mot. Comment une jeune fille comme vous pouvait-elle battre un Shintok? Yu Ying vous aurait arraché les yeux de la tête avant que vous n'ayez pensé à vous saisir d'un couteau. Pourtant, c'est moi qui suis à blâmer, persista Agar. Je n'aurais pas dû mettre le dieu de jade en vitrine. Si Yu Ying n'avait pas eu le dieu si facilement, il aurait cambriolé la boutique pour l'obtenir. Oui, mademoiselle, il vous aurait tranché la gorge pour cela. Pourquoi tient-il tant à cette idole? Pour la même raison que moi. 50 000 livres, voilà la raison. 50 000 livres? Reprit Agar en se reculant. L'idole ne vaut pas cela. Pas en soi, mademoiselle. Mais cela peut permettre d'obtenir cet argent. Je pensais le récupérer et m'adonner à la navigation en haute mer. Mais je pense maintenant que le Chinois a raflé la mise. Pourquoi ne pas chercher Yu Ying et le faire arrêter pour vol? Il ne ferait que mentir, mademoiselle. Et pour ce qui est de le trouver, je suppose qu'il s'est déjà fait très discret. Mais je vais suivre la piste, de toute façon. Bonne journée à vous, mademoiselle. Et ne vous fiez pas à ces diables de Chinois. Après ce discours, Nat s'en alla d'un air philosophique, laissant Agar très contrit d'avoir contribué à la perte de l'idole par sa négligence et sa curiosité. Néanmoins, elle ne croyait pas à la déclaration concernant les 50 000 livres. Pourtant, il fallait bien reconnaître que Nat avait dit la vérité sur le désir de Yu Qing de posséder l'idole. Alors pourquoi aurait-il menti sur l'argent? Et après tout, Agar ne connaissait aucun détail susceptible de confirmer l'histoire. Après réflexion, elle chassa de ses pensées Nat, Yu Ying et le comte d'œil de jade et se dit qu'elle avait acheté une nouvelle expérience pour la somme de 30 shillings. Pendant ce temps, Nat était assis dans la salle du Nelson, sur les quais, une pipe à la bouche et une chope de bière devant lui. Cela faisait plusieurs jours qu'il était assis là, seul, attendant, comme le montrait son attitude expectative, un visiteur. 4 jours après la perte de l'idole, il n'était plus seul, car dans un fauteuil, près de lui, était assis un homme sec, alerte, vêtu de noir, aux yeux brillants et à l'expression vive. Cet individu était un gentleman, un médecin, et le visiteur attendu par Nat Prime. « Si vous étiez venu il y a une semaine, je n'aurais pas mis l'idole en gage, » dit Nat d'un ton sombre, « et la chose n'aurait pas été volée. » « Oui, oui, je vois, je vois. Mais pourquoi l'as-tu mise en gage ?» demanda le docteur fébrile. Pourquoi, dit Prime, ironique, parce que je ne voulais pas être égorgé par Yu Ying. Tant que j'aurais porté cette idole sur moi, ma vie n'aurait pas valu un centime. Comment Yu Ying a-t-il appris la valeur de l'idole? Il était prêtre dans le temple du dieu de la guerre, je pense. Je l'ai vu pratiquer des cultes 12 fois, et quand il est monté à bord du Havelock en tant que steward, j'ai deviné qu'il en avait après l'idole. mais je n'ai dormi que d'un œil, ajouta Nat, triomphant. Et je suppose qu'il ne m'a pas mis à défaut jusqu'à ce que je gage qu'on taille dans ce maudit monde de piété. Mais je ne vois pas comment il a pu entendre parler de la boîte en fer de Londres, persista le médecin, irrité. Ou apprendre l'existence de Boa. Prime but un peu de bière et se pencha en avant pour parler, soulignant ses remarques à l'aide du tuyau de sa pipe. « Dick, dit-il lentement, qu'est-ce que vous m'avez dit il y a un an, avant que je ne fasse ce voyage en Chine ?»« Je t'ai dit que mon oncle avait assisté au sac du palais d'été à Pékin. Les Chinois avaient participé au pillage, tout comme les Français et les Anglais. Parmi eux, un prêtre appelé Poa rassembla un certain nombre de petites effigies en or de Quantai d'une valeur de 50 000 livres et s'était enfui avec elles en Angleterre. Il les plaça dans une boîte en fer qu'il confia à l'un de ses compatriotes à Londres. Après avoir vendu quelques effigies, il retourna en Chine et reprit son service de prêtre dans le temple de Quantai à Canton. Il avait l'intention d'envoyer chercher la boîte en fer et de replacer les représentations du dieu dans son temple, mais, frappé par la maladie, il n'avait pas pu réaliser son projet. Craignant d'être torturé pour sacrilège s'il disait la vérité, Poa écrivit en caractère chinois une description de l'endroit où se trouvait le trésor à Londres et plaça le papier à l'intérieur d'une petite idole de jade aux yeux de diamant qui se trouvait dans le temple Quantai dans la rue du Dragon d'eau. Mon oncle rendit quelques services à Poa qui, par gratitude, lui révéla le secret. Peu après, il mourut et mon oncle, incapable d'accéder au temple et de voler l'idole, fut contraint de retourner en Angleterre. Il s'installa à Christchurch et il mourut en laissant un journal racontant l'histoire du trésor de Poa. J'ai trouvé ce document il y a 2 ans et sachant que tu faisais du commerce à Canton, je suis venu te voir. Oui, dit Prime, reprenant le fil de l'histoire, et vous m'avez demandé de récupérer l'idole de jade dans ce temple. Eh bien, je l'ai volée, et je crois que ce port de Yu Ying m'a vu la voler. Quoi qu'il en soit, il est monté à bord du Hablock, et d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, il a pris toute l'histoire et essayé de récupérer l'idole. Je l'ai battu pendant le voyage, et lorsque j'ai débarqué, je m'attendais à vous trouver et à récupérer la boîte en fer immédiatement, j'étais malade. Interrompit Dick, impatient. Je ne pouvais pas venir. Tu aurais pu récupérer le trésor toi-même et l'aurais partagé ensuite avec moi. C'est vraiment idiot, docteur. Je ne pouvais pas lire l'écriture chinoise que j'ai trouvée à l'intérieur de l'idole. Et comme vous connaissez la langue chinoise, enseignée par votre oncle, avez-vous dit, j'ai attendu que vous veniez pour faire la traduction. Par sécurité, j'ai mis l'idole au monde de piété et Yu Ying, maudit soit-il, m'a suivi et l'a volé. Je suppose donc qu'à l'heure qu'il est, il possède tous les dieux d'or. Probablement, mais comment a-t-il appris qu'ils existaient et que la possession de l'idole de jade était nécessaire pour obtenir le trésor de Poa? Je ne sais pas, monsieur, à moins que Poa ne l'ait dit à certains de ses frères prêtres. Poa est mort il y a 15 ans, répondit Dick avec vivacité. S'il le leur avait dit sur son lit de mort, il n'aurait pas attendu tout ce temps pour s'emparer du trésor. Eh bien, j'ai constaté qu'ils ont entrepris le même voyage, dit Nat froidement. Alors qu'ils conversaient ainsi, le propriétaire du Nelson entra dans la salle et informa Prime qu'une dame souhaitait le voir. Plutôt surpris, car il avait peu d'amis, Nat demanda à ce que la visiteuse soit admise. Au bout d'un moment, elle apparut sur le seuil et à sa plus grande surprise, Nat aperçut Agar. C'est la fille du monde piété, dit-il en se levant. Que voulez-vous, mademoiselle ? « Vous rendre l'idole de jade, » répondit Agar en sortant le dieu Quantai de sa poche. « Alléluia !» s'écria Nat en lui arrachant l'objet. « Comment avez-vous réussi à mettre la main dessus ?»« Lorsque j'ai ouvert la porte du magasin ce matin, elle était accrochée à la poignée par une ficelle. »« Yu Ying n'a rien pu en tirer, je suppose. Tenez, docteur, voyez si le papier est à l'intérieur. » Dick, dans un état d'excitation considérable, ayant été préalablement instruit par le papier de son oncle sur la façon de découvrir le secret, dévissa la tête de l'idole. Une fois enlevée, une cavité fut révélée, à l'intérieur de laquelle se trouvait une bande de papier de riz griffonnée de caractères chinois en vermillon. Pendant qu'il les déchiffrait, Nat se tourna vers Agar. « Merci, mademoiselle, » dit-il gracieusement. « Si nous récupérons l'argent, je vous donnerai le livre d'eux. »« Je n'en veux pas, » répondit Agar brusquement. « Donnez-moi le reçu de gage et 31 shillings, c'est-à-dire ce que je vous ai donné et les intérêts, et je m'en irai. » Nat sortit de sa poche de l'argent et un reçu qu'il lui remit. « Mais j'aimerais faire quelque chose pour remercier d'avoir ramené cette idole, » dit-il avec nostalgie. « Eh bien, Monsieur Prime, » dit Agar, en s'arrêtant à la porte avec un sourire, « quand vous aurez les 50 000 livres dont vous parlez, récompensez-moi en venant au magasin et en me racontant l'histoire. J'aimerais savoir pourquoi Yu Jing a volé le dieu et pourquoi il l'a restitué. Je vous raconterai, n'ayez crainte, mademoiselle. Quelle étrange histoire. Vous ne voulez pas prendre un petit verre, mademoiselle? Non? Eh bien, bonne journée. Bonne journée et merci. » Lorsque Agar se retira, Nat revint à la table et constata que le docteur Dick avait trouvé la signification des caractères chinois. Il donnait l'adresse d'un certain Ye, qui tenait une boutique d'opium, ou plutôt une fumerie, dans Wesley Street à Whitechapel. « Nous devons y aller, » dit Dick en se levant, « et interroger ce Ye. J'ose croire que c'est lui qui est responsable de la boîte de fer. Je suppose que c'est une sorte de Shinto qui a la boîte, » acquiesça Nat, « mais ce ne sera pas Ye. Si Poa lui a laissé la boîte, je suppose qu'il est mort et enterré à l'heure qu'il est. Même les Chinois ne sont pas immortels. » « Que ce soit le cas ou non, peu importe, Prime. Tout ce que nous avons à faire, c'est de montrer l'idole de jade au Quan Tai au gardien de la boîte, et elle nous sera remise. »« C'est vrai, » répondit Nat, en jetant un coup d'œil à sa montre. « Il semble que nous ayons tout l'après-midi pour faire le travail. Mangeons un peu, et partons tout de suite après pour Whitechapel. » Pendant le repas, Prime sembla pensif et ne répondit pas avec beaucoup d'enthousiasme à la joie du docteur Dick de découvrir l'emplacement du trésor. Dick fit un commentaire à ce sujet. « Tu n'as pas l'air trop content, Nat, » dit-il d'un ton piqué, « et pourtant ta part sera de 25 000 livres, et tu devrais être à la fois content et ravi. Quel est ton problème ?»« Yu Jing, docteur, je ne fais pas confiance à ce païen. Pourquoi a-t-il rendu le dieu de jade ?»« Parce qu'il n'a pas trouvé le secret pour l'ouvrir, » répond Dick, et voyant que l'idole n'était pas utilisable, il l'a rendue à son propriétaire. Nat secoua la tête. « En tant que prêtre du temple, Yu Jing est le propriétaire légitime de ce dieu, » dit-il, dubitatif. « Je l'ai volé, vous savez, donc il n'était pas à moi. Non, docteur, il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire. Je suppose que ce Shintok est en train de nous rouler dans la farine. » « Qu'est-ce que tu veux dire, Nat ?»« Je ne serais pas surpris d'apprendre que Yu Jing a récupéré tous ses dieux d'or et qu'il a renvoyé Quan Tai pour que nous puissions jeter un coup d'œil à la boîte vide. » Un tel sadisme ne serait pas étonnant de la part d'un Shintok. « J'espère que non, j'espère que non !» s'écria Dick en pâlissant. « Mais nous ferions mieux nous en assurer. Viens, Nat, partons immédiatement pour Whitechapel. » Tout en secouant la tête, car une longue fréquentation des Chinois lui avait inspiré une méfiance salutaire à l'égard de cette race, Nat paya sa note et se mit en route pour Whitechapel en compagnie du docteur Dick. « Vous pouvez me croire sur parole, docteur, » dit-il lorsqu'ils furent dans le train. « Une grosse déception nous attend à la fin de ce voyage. Je suppose que ce n'est pas l'honnêteté qui a poussé ce céleste à rendre l'idole de jade. » En arrivant à Whitechapel, les deux aventuriers eurent quelques difficultés à découvrir Buzz Street, et il leur fallut une bonne heure avant d'en déterminer l'emplacement. Il s'agissait d'une ruelle étroite et sale, sans grande longueur, au milieu de laquelle se trouvait la maison de Ye. Une enseigne peinte en rouge, parsemée de caractères chinois dorés, annonçait que la maison était la demeure des 100 bénédictions, et que Ye était un marchand de produits du pays fleuri. Dick traduisit cette information pour Nat, qui parlait mais ne lisait pas le chinois, et la commenta. « Soit le Ye original existe, soit il s'agit d'un de ses fils, » dit-il. Et sur le grognement d'assentiment de Nat, ils s'arrêtèrent tous deux à la porte de la maison qui, espérait-il, contenait le trésor de Poa, les idoles d'or de la dynastie impériale de Tsin. En réponse à leur coup, un garçon chinois aux pieds souples et élégants, vêtu d'une blouse bleue teintée d'indigo et dont la natte était rabattue, apparut pour les accueillir. Nat, plus expérimenté dans le langage chinois, expliqua qu'il voulait voir Ye. Après quelques hésitations, le garçon les conduisit par un long passage sombre dans une assez grande pièce empilée de marchandises parmi lesquelles se déplaçaient 3 ou 4 Chinois. Ces paquets étaient la raison apparente du commerce de Ye, mais au fond de la boutique, par un autre passage sombre, il y avait une fumerie d'opium. Le garçon parla des deux Anglais à un marchand chinois à lunettes qui s'avança et s'adressa à eux dans leur propre langue. « Que peut faire votre vil esclave pour les seigneurs qui honorent sa méprisable maison ?» demanda le céleste suave avec toute la bonhomie fleurie du langage chinois. Nat, habitué à ce genre de rodomontade, répondit de la même façon. « Vos humbles invités voudraient voir le savant et respectable Yé. »« C'est mon père, » répondit le chinois en s'inclinant. « Et que frêle et gracieux seigneur avec le révérend Yé ?» Pour toute réponse, Nat sortit de sa poche l'idole de jade, à la vue de laquelle le fils de Yé devint aussi vert que l'image de Dieu. Il tomba à genoux et se frappa le front trois fois sur le sol. Puis, sans perdre de temps en explication, il conduisit les deux Européens dans la fumerie d'opium. Là, sur une sorte de plateforme surélevée, et sous le visage souriant d'une statue particulièrement laide, était assis Yé, le marchand, un homme très vieux et ridé. Il portait de lourdes lunettes à monture d'écailles, ainsi qu'une épaisse blouse de soie rouge brodée de fils d'or. Comme son fils, il fut très frappé par la vue de Kouang Tai en jade, et comme lui, fit des génuflexions. « Le savant poète est mon ami très estimé, » dit-il en s'inclinant devant les Européens. « Il me laissait une boîte en fer à remettre à celui qui me montrera l'image du puissant dieu de la guerre. Mais Poa ne m'a pas dit que le dieu sacré de jade serait montré deux fois. Oh !» s'écria Dick, dégoûté. « Yu Ying !»« Vous connaissez son nom, je vois !» dit Yé, d'un ton un peu sombre. « Ce prêtre du temple de la rue du Dragon de l'eau est votre ami bien-aimé. Nous lui avons donné le dieu de jade pour qu'il vienne voir la boîte de fer de Poa. Mais nous ne lui avons pas dit de l'emporter. Il a obéi à vos ordres, monseigneur, » répondait Yé en se levant avec raideur. « Il a regardé la boîte, mais il ne l'a pas emportée. » Le docteur Dick se leva d'un bond, un poussa un cri de soulagement et de joie. « Alors la boîte est là, » dit-il d'un ton excité. « Emmenez-nous la voir tout de suite. Elle attend votre noble présence dans une autre pièce. » Ainsi parlant, Yé, suivi des aventuriers inquiets, passa par une petite porte dans une sorte de chambre forte, faiblement éclairée par une petite fenêtre grillagée. Dans un coin, que le vieux chinois désignait du doigt, se trouvait une grande boîte en fer peinte en noir, sur le couvercle de laquelle étaient inscrits quelques caractères chinois à la peinture blanche. D'un clou situé au-dessus de cette boîte, Yé prit une petite clé en cuivre qu'il présenta à Dick en s'inclinant. « Mes seigneurs peuvent examiner seuls le secret de Poa, » dit-il en reculant vers la porte avec de nombreuses courbettes. « Que suis-je pour me mêler des affaires de ceux qui ont les faveurs de Kouang Tai ?» Lorsqu'ils furent laissés seuls, les deux hommes se regardèrent avec une certaine surprise et un peu de doute. « Le travail a été plus facile que je ne le pensais, » dit Nat après une pause. « Tout de même, je suppose que Yu Yin nous a joué un tour. »« Impossible, » répondit Dick en s'agenouillant devant la boîte. « Voici la clé, et à l'intérieur, sans aucun doute, nous trouverons les dieux d'or de Tsin. »« Eh bien, » dit Nat en hochant la tête, « si tout est en ordre, je n'insulterai plus jamais un chinois païen. Ouvrez la boîte, docteur. » La clé tourna facilement dans la serrure, et Dick rabattit le couvercle. En un instant, une gerbe de feu jaillit avec un grand fracas. Les deux hommes, la chambre et la plus grande partie de l'habitation de Yé furent réduits en miettes. Ils s'attendaient à trouver une fortune. Au lieu de cela, ils découvrirent de la dynamite et une mort atroce. Deux mois plus tard, alors que Londres avait presque oublié la mystérieuse explosion de Wesley Street à Whitechapel, un Chinois se présentait ainsi au prêtre du temple de Kouang Tai à Canton. Voici les effigies de Kouang Tai, les dieux de la maison impériale de Tsin, ramené du sombre pays des barbares extérieurs par votre serviteur Yu Ying. Lorsque votre grandeur apprit que le prêtre maléfique Poa avait avoué avoir volé les dieux et confié le secret de leur localisation à l'aide de jade de Kouang Tai, vous avez ordonné à votre esclave indigne de chercher et de trouver le trésor, afin qu'il soit restitué au temple de la rue du Dragon d'eau. Mais avant que votre serviteur ne puisse partir pour le pays des ténèbres, un démon étranger, lui aussi détenteur du secret de Poa, a volé l'idole de jade qui contenait le nom de la cachette. Moi, l'insensé Yu Yin, j'ai suivi le barbare dans un bateau jusqu'à son propre pays, mais il m'a fallu de nombreux jours avant de pouvoir récupérer l'idole de jade. C'est alors que le diable étranger a mis en gage pour de l'or l'idole sacrée de la guerre qui a été placée dans la vitrine du magasin. J'ai brisé la fenêtre, très révérend prêtre, j'ai volé l'idole, et en allant à la maison de Yé, j'ai récupéré les effigies d'or qui sont maintenant devant vous. Mais je voulais punir Yé pour le sacrilège qu'il avait commis, en conspirant Beppo contre Quan Tai, et aussi tuer le démon étranger qui avait volé le dieu de jade. À cette fin, j'ai retiré les effigies d'or de la boîte et j'ai laissé à leur place une poudre dangereuse des barbares qu'ils appellent dynamite. Je l'ai disposée avec soin pour que lorsque le couvercle de la boîte serait ouvert, elle jaillisse comme le souffle d'un dragon de feu et tue ceux qui étaient venus voler les dieux. Comme je l'avais prévu, c'est ce qui s'est passé, comme je l'ai appris depuis. Le démon étranger et un de ses amis ont été tués et la maison de Yé a été détruite. C'est dans ce but que j'ai remis l'idole Quan Tai au mont de piété et c'est ainsi que j'ai attiré les démons étrangers vers la mort. Maintenant, personne ne connaît la vérité. Puissant serviteur de Quan Tai, si ce n'est vous-même, dites-moi, ai-je bien agi ? Tous les prêtres répondirent d'une seule voix. Yu Ying, tu as bien agi. Ta stèle sera placée dans le temple de Quan Tai. Et pendant que cette explication était donnée, Agar, dans la lointaine Londres, attendait le retour de Nat Prime pour entendre l'histoire de l'idole de jade. Mais il n'est jamais reparu. Ainsi s'achève le tome deuxième de Agar Stanley, détective tzigane, par Fergus Hume.